Chapitre 6e. Or, pendant que le duc d'Orfella, sûr d'avoir, pour cette nuit au moins, conjuré tout péril, était à soigner et à conforter Carletto, des lueurs soudaines se reflétèrent dans une glace et de nouvelles clameurs s'élevèrent dans le grondement du carbin, sous le palais. En même temps, apparurent 4 ou 5 valets que la fumée avait presque étouffés dans leur pesant sommeil de sa cabane. Ils n'avaient pas encore recouvré leurs esprits. Ils chancelaient sans pouvoir dénouer leur langue engourdie. D'autres survinrent. « Le feu ! Le feu !» Ils tremblaient, adossés les uns aux autres comme des moutons. De nouveau, les tenailles de la lâcheté serraient leurs genoux serviles. Ils avaient tous les sens obtus comme dans le cauchemar. Ils ne savaient pas ce qu'ils devaient faire, n'ayant pas encore pleine conscience du danger. Ils ne cherchaient pas une issue. Ils trébuchaient dans la vapeur vineuse de la mort. Surpris, le duc resta d'abord perplexe, mais le jouvenceau, en voyant entrer la fumée et entendant ce rugissement joyeux que font les flammes quand elles trouvent l'aliment à leur voracité, se mit à crier d'une voix si perçante et à faire des gestes si forcenés que Don Filippo s'éveilla de sa torpeur et eut la certitude de la fin. La fin était inévitable. Cette vieillesse désespérée entendit les mille voix des siècles dans la voix nombreuse du feu qui se propageait avec la célérité des mauvais anges à travers toute la vieille charpente du manoir, dévorant toutes choses, suscitant de toutes choses des flammes mobiles, fluides, sonores. Les flammes couraient, légères sur les murs, effleuraient les tapisseries, hésitaient un instant à fleur du tissu, se coloraient de teintes indicibles, pénétraient dans la trame avec mille langues subtiles et vibrantes, semblaient donner pour un instant aux lignes murales une beauté d'enfer, allumaient pour un instant, sur la bouche des nymphes et des déesses, un sourire jamais vu, d'ordre pour un instant leurs attitudes dans la violence d'une ronde effrénée. Elles passaient outre en une fuite toujours plus lumineuse. Elles contournaient les meubles de bois en conservant à tel point leur forme qu'ils apparaissaient taillés dans des blocs d'escarboucles, puis d'un coup se désagrégeaient et devenaient cendres comme par enchantement. Une vie magique couronnait la fin de la race et de la demeure. Les rouges lions de l'incendie portaient dans leur gueule le chant de la victoire funèbre. Le tyranno à la bouche impérieuse et avide l'écouta et se redressa. L'orgueil de tous ses ancêtres en lui accepta la pourpre mortelle. Toute la nuit était pleine de cris et de pleurs. Il fut silencieux. Il ne regarda pas son père suppliant. Il empoigna son fils. « Sauve-moi ! Sauve-moi ! » criait le vieillard, essayant en vain de se soulever, sentant déjà sous lui s'effondrer les poutres, aveuglé par la splendeur implacable de la mort. « Sauve-moi !» Par un effort suprême, il réussit à se détacher de sa chaise. Il se mit à courir, le torse incliné en avant, sautit en petits pas de plus en plus rapides, comme poussé par une irrésistible impulsion progressive. Et il agita ses mains monstrueuses jusqu'à ce qu'il tombât foudroyé, se dégonflant et se rabougrissant comme une vessie. Mais la clameur de l'émeute augmentait et montait plus haut que l'incendie. Les valets, fous d'épouvante et de spasmes, à demi brûlés, se précipitaient des fenêtres, tombaient morts sur le sol, ou bougeaient encore, et on les achevait à coups de fourche dans le ventre. À chaque chute, on regardait l'homme de près, on le retournait pour le reconnaître. « Le duc ! Le duc !» criaient les sauvages, mécontents, parce qu'ils voulaient voir tomber à leurs pieds le tyranneau et son fils. « Le voici ! Le voici, c'est lui ! Viens, viens, nous voulons allumer nos pipes au feu de tes os. Meurs, chien, nous voulons cuire nos fournées sous ta cendre chaude. » Au seuil de la grande porte, juste en face de la canaille, apparut Don Luigi, ses vêtements en flammes, portant sur les épaules le corps inerte de l'enfant. Il avait toute la figure brûlée, méconnaissable. Il n'avait presque plus de cheveux ni de barbe. Il n'avait que des mâchoires terribles et une bouche qui mordait le feu. Mais il marchait à travers l'incendie, intrépide, par sa flamme plus forte que toute autre flamme, regardant la canaille avec son regard de maître, avec l'atrocité de ses yeux sans cils. D'abord, les gueux se turent, effarés, puis de nouveau ils hurlèrent, ils trépignèrent comme des singes, attendant que la grande victime vînt expirer devant leurs pieds poudreux. « Ici, ici, chien, tu n'es que la braise de notre four !» « Tu n'es que la cendre pour notre lessive, ici, ici, pourceau !» Le duc vint défier, à travers la flamme liminaire, les extrêmes injures. Il ramassa toute la vertu de sa race dans un geste de merveilleux mépris. Ensuite, il tourna le dos. Il lança le corps de l'enfant dans un tourbillon d'étincelles, et seul, Il disparut pour toujours, là où plus fièrement rugissaient les lions rouges de l'incendie. Ainsi s'achève Les Lions Rouges par Gabriel D'Annunzio.